Chapitre 12e, Angoisse. Après la journée éprouvante des révélations concernant le Dodge et le pistolet, j'ai conduit comme un automate pour rentrer chez moi. Je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment de culpabilité qui m'obsède. Les anxiolytiques que je prends y sont peut-être pour quelque chose. J'ai lu sur la notice de l'un d'eux qu'il pouvait provoquer des hallucinations ou des troubles de la personnalité. Je surveille mon rétro et constate encore une fois la présence d'une déesse qui me suit d'assez loin depuis la nationale. Poussé paranoïaque encore une fois ou vergneux en chair et en os. Fan de pied, il faut que j'en aie le cœur net. J'accélère l'allure et constate que l'écart avec la déesse ne se creuse pas. Elle me suit à 200 mètres derrière à peu près. À la sortie d'une longue courbe, je freine brusquement et me gare sur le bas-côté, moteur tournant, vitre ouverte. Au cas où, j'empoigne mon Beretta et enlève la sûreté. Lorsque la déesse arrive dans mon rétro, j'entends nettement le régime moteur chuter d'un coup. Il est clair que le conducteur était surpris de trouver ma Chambord garée là. Il est trop tard pour qu'il freine, aussi il remet les gaz et passe devant moi. Le gars qui conduit se frotte la tempe, m'empêchant de savoir à quoi il ressemble, mais la manœuvre m'a tout de même permis de relever le numéro des plaques de la voiture. Tout s'est passé en quelques secondes et maintenant il était sûr que j'étais suivi. Exit la paranoïa. Je repars en échafaudant la manière dont il va falloir m'y prendre avec Sylvia pour qu'elle avoue la vérité. Je ne sais pas quoi lui dire et attends d'avoir des certitudes. Inspecter d'abord le Dodge et après j'aviserai. Sans m'arrêter devant l'entrée de la ferme, je me rends directement à la grange où est parqué le camion. Je réalise soudain que ce que je suis en train de faire est complètement dingue. Je suis malade, c'est sûr. Comment si lourd aura pu faire démarrer cet engin si fantasque? Une fraction de seconde, j'hésite à introduire la clé dans la serrure, mais un mauvais génie me pousse à faire ce que je regretterais. Dans la demi-pénombre, le Dodge est invisible. Je mets les phares pour éclairer la grange et là, mon monde bascule, m'arrachant un long hurlement de fou. Le camion a disparu. Brisé comme si j'avais fait un 100 mètres, j'éteins les phares et m'affale sur mon volant, hors d'haleine, au bord de la défaillance cardiaque. Une minute plus tard, je sens une main qui me secoue. Gino, Gino, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi, belle. Sylvia ouvre la portière et essaie de me sortir de la voiture. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me tapote les joues de plus en plus fort, si bien que mon regard doit finir par reprendre un éclat de vie. Mon poussin, dis-moi quelque chose, je t'en supplie. Tu deviens fou? Ça va aller. Le camion n'est plus là. J'ai compris, Silou. C'est toi qui affoles, pas moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le camion? Allez, viens, mon chéri, descends de cette voiture et viens dans la maison. Je vais appeler le médecin. Surtout pas, n'appelle personne. Tu entends personne? C'est grave, c'est très grave. Je vais avoir des tas d'emmerdes. Parvenu à l'intérieur de la ferme, je me laisse tomber sur le canapé. Je me sens très mal, avec une envie de vomir, de la difficulté à respirer et des tremblements dans tout le corps. Sylvia arrive en courant et en me voyant dans cet état, court dans la cuisine et revient avec un verre d'eau et un cachet. Je suis en train de faire une crise de spasmophilie. Quelle merde! Tiens, prends ça, ne t'affole pas. Tu sais que tu n'as rien au cœur. Que c'est rien que de l'angoisse. Détends-toi. Le cachet va faire de l'effet. Pour faciliter ma détente, elle me masse les tempes doucement et parsème mon front de petits baisers. Elle me parle à voix basse comme à un enfant. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, c'est déjà mieux. Et effectivement, je reprends mes esprits et fixe Sylvia droit dans les yeux. Maintenant, Silou, tu vas tout me raconter. Tu entends tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je sais que c'est toi qui as tué Guelmar. Tu sais le conduire, le camion. Inutile de me raconter des conneries. Nous n'avons pas de temps à perdre. Où est-ce que tu l'as planqué? Mais tu deviens vraiment cinglé, mon pauvre Gino. Comment tu veux que je fasse avancer ton putain de camion? Je sais même pas où tu mets les clés. Il n'y a pas besoin de clés, tu le sais bien. T'es folle d'avoir fait ça. Sylvia s'assoit au bord du canapé, la tête dans ses mains. Elle respire profondément et essaie de retrouver son calme. Finalement, elle relève la tête et rejette ses cheveux en arrière. « Si je comprends bien, tu penses que c'est ton camion qui a servi à tuer Guelmar. Et tu essayes maintenant de me refiler le bébé, c'est ça? Mais c'est dégueulasse ta petite mise en scène » fait-elle en bougeant la tête de droite à gauche. « Écoute-moi bien. Si nous n'avons pas une explication franchie immédiatement, je fous le camp tout de suite. Et définitivement, tu m'entends? Mais qui veux-tu que ce soit d'autre? C'est ou toi ou moi. Ben non, grand couillon, tu crois que tu es à l'abri des voleurs et des cambrioleurs ici? N'importe qui peut ouvrir ta grange avec n'importe quel bout de fil de fer. On peut faire tout le ramdam qu'on veut, y a personne pour entendre. Ton Guelma, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Comment veux-tu que je le suive, que je le tue avec ton bahut? Je conduis bien, mais pas assez pour shooter un type sans me foutre en l'air avec lui. Soudain, je bondis hors du canapé et me rue dans le bureau. Farfouillant fébrilement dans les tiroirs, je finis par pousser un hurlement de bête. Le flingue, merde, il a disparu. Cette fois, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas toi. Bah si, je te le dis, ce n'est pas moi. Je continue à chercher fébrilement et m'écris soudain. C'est bizarre, les balles sont toujours là. Et tu crois que j'aurais été assez tard pour prendre le flingue sans les balles? Et puis à quoi il a servi ce flingue puisque les balles sont là? Guelmar est mort d'une balle dans la tête. Je suis sûr maintenant que c'est mon flingue qui a dû servir. Et on va le découvrir avec les résultats du labo. C'est certainement le gars qui t'a tapé le camion, qui t'a aussi volé le flingue. Bah c'est sûr, je vais être dans la merde, je te dis pas. Je n'aurai jamais dû garder mon arme de service à la maison. Si je ne termine pas en tôle, j'aurai de la chance.